visage sur attrapé à ce rivage. Dans l'espoir d'y trouver un monde plus sage, je pourrais tourner la page, ou je pourrais tourner la page. Où suis-je, quelle folie s'est emparée de ce monde. J'en meurs, la vie décline dans ce néant immonde. Pauvre fou, qu'avez-vous fait de ce que fut autrefois mon monde. Je ne sais plus, je suis perdue, la tristesse m'inonde. C'est emparé de ce monde. J'en meurs, la vie décline dans ce néant immonde. Pauvre fou, qu'avez-vous fait de ce que fut autrefois mon monde. Je ne sais plus, je suis perdue, la tristesse m'inonde. Vie dans nos mains, à nous de ne pas laisser s'éteindre la flamme qui brille dans nos yeux. Cette lueur d'espoir, tout ça n'a rien de dérisoire. Courage et témérité pour de meilleurs lendemains et à nouveau la liberté. Où suis-je, quelle folie s'est emparée de ce monde. Les gens meurent, la vie décline dans ce néant immonde. Pour vous, qu'avez-vous de ce que fut autrefois mon monde. Je ne sais plus, je suis perdue, la tristesse m'inonde.